Alors bonjour, je remercie Émilie et Emmanuel qui n'est pas là de m'avoir invité. Et quand Émilie et Emmanuel m'ont contacté, ils m'ont demandé quelque chose que je ne pouvais absolument pas faire parce qu'ils voulaient que je discute de comment est-ce qu'on calcule des valeurs limites qui vont être très différentes, souvent des valeurs limites d'exposition en santé environnementale et en santé au travail. Et elles sont souvent beaucoup, beaucoup plus élevées en santé au travail pour les gens qui travaillent et les personnes alors qui sont exposées en santé environnementale. Donc on a des valeurs limites pour les mêmes substances qui sont supposées avoir des mêmes effets qui sont souvent très très différentes. C'est quelque chose rentré dans le détail technique, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire. Donc on a discuté, alors je leur ai proposé quelque chose en me disant que c'était une manière de commencer à réfléchir, donc c'est pas du tout une réflexion qui est aboutie, c'est une réflexion qui commence, donc c'est plutôt des éléments de réflexion. Je suis historienne de formation, qui s'est convertie un peu à la sociologie, donc des sciences et des techniques. Ça fait quelques années que je travaille sur les pesticides, j'ai fait avec des approches historiques et sociologiques. Et donc les cas que je vais vous présenter ici, il y a des cas historiques. Je me suis posé la question de savoir si je prenais dans la littérature des cas actuels avec le cas français, donc j'ai décidé de prendre plutôt mes travaux et puis de prendre des cas historiques et puis des éléments d'un programme de recherche que je dirige, qui est actuellement en cours, qui est sur pesticides et santé des travailleurs agricoles. Donc il y a 8 personnes qui y travaillent, mais c'est un travail qui est actuellement en cours. Donc je vais vous prendre des éléments. Et la première chose, quand j'ai discuté avec Emmanuel, on a souvent le sentiment, et c'est un sentiment qui me semble fondé, que les problèmes de santé au travail perdent très souvent visibilité en intérêt quand se développent des problématiques de santé au travail, de santé environnementale, de ce que nous aujourd'hui en France on appelle la santé environnementale. C'est important d'avoir cette vision en tête. Et c'est par exemple visible dans les milieux académiques, les épidémiologistes du travail sont souvent un peu défavorisés par rapport aux gens qui font des pesticides environnementaux, par exemple, où il y a tout un ensemble d'éléments. C'est aussi visible dans les mobilisations, avec des constructions de causes et des concurrences de causes, souvent. C'est aussi visible dans les systèmes de valeurs réglementaires, je vous parlais par exemple des productions de valeurs limites. Ça fait partie, des choses qui sont visibles. Mais en fait, quand on commence à y réfléchir, c'est un tout petit peu plus complexe parce qu'on a des travaux comme ceux d'Emmanuel sur l'amiante qui montrent que les problématiques de santé environnementale peuvent être des révélateurs de problèmes de santé au travail, peuvent remettre sur le devant de la scène des problématiques de santé au travail, que souvent, on a tout un ensemble de cas qui ont été étudiés dans lesquels il y a un refus très important des univers du travail de prendre en compte les problématiques de santé. Et quand des mobilisations environnementales se mettent en place autour d'usines, qu'on lance des enquêtes, par exemple, on a tout un ensemble de cas où les ouvriers refusent de participer, que leur famille participe aux enquêtes, etc., etc., par exemple. Et puis, il y a des lieux, par exemple, quand le concept de environmental health a été créé dans les années 50 aux États-Unis, environmental health regroupait ce que nous, aujourd'hui, on appelle la santé environnementale et la santé au travail. Et quand je vous invite à aller voir les Archives of Environmental Health, et vous allez voir des articles qui traitent tout autant de la santé au travail que de la santé environnementale, des résidents, etc. C'est tout un ensemble d'expositions, les effets de tout un ensemble d'expositions, à la fois chimiques, des agents bactériologiques, et les choses étaient prises ensemble. Pas nécessairement traité dans les articles, mais c'était ensemble et les problèmes se répondaient. Et moi j'ai fait cet exercice pour la question des pesticides, les choses se répondaient. Les débats se répondaient, les questions se répondaient. Donc je me suis dit, peut-être, c'est pour ça que... je me suis dit, et puis les pesticides, c'est une autre manière d'entrer... Les pesticides, c'est une catégorie, quand on commence à y réfléchir, comme ça fait un certain nombre, c'est une catégorie extrêmement générique, et où il y a une multitude de problèmes, et c'est un bon moyen d'essayer de repenser cette opposition qui... Elle existe, hein. C'est pas qu'elle n'existe pas, mais qui n'est peut-être pas que ça entre santé son travail et santé environnementale. Et une manière de poser la question, c'est peut-être poser une question de segmentation des problèmes. Comment est-ce qu'on construit des problèmes différents, on les définit, en sachant que ces segmentations peuvent varier d'époque, des lieux, mais aussi, je sais pas, des contextes institutionnels, des groupes qui interagissent et en discutent. Une des choses que je voulais juste pointer, c'est que je voulais juste faire un point sur la matérialité du pesticide, des pesticides. Ce sont des milliers de substances actives depuis la fin du 19e qui ont été, et des dizaines de milliers de produits, si on prend des produits formulés, qui ont été mis en circulation depuis la fin du 19e siècle. C'est des quantités gigantesques, elles sont tellement gigantesques qu'on ne peut pas faire, on ne sait pas combien. C'est en agriculture, mais aussi en agriculture, dans les cultures, en médecine vétérinaire, en médecine humaine, comme biocides. C'est des propriétés physico-chimiques, biologiques, toxiques, extrêmement variées, si on prend cette catégorie. Et puis, on a plein de problèmes de circulation géographique des substances qui circulent dans tous les sens. On a des effets temporels. Aujourd'hui, on a des problèmes liés à des contaminations d'usage d'arsenicaux au début du siècle dans les sols qui sont des problèmes de santé, mais qui ont été utilisés il y a presque un siècle, il y a 100 ans, qui ont contaminé des sols avec des problèmes de santé. Aujourd'hui, les questions des perturbateurs endocriniens qui vont faire dans les générations problèmes suivantes. On a des antilles contaminées au chlordécone, etc., etc. Donc, c'est des problèmes extrêmement complexes. Finalement, ces catégorisations santé au travail, santé environnementale, elles peuvent être opérantes dans plein de contextes, mais quelquefois, elles ne sont pas tout à fait aussi opérantes. Et par ailleurs, il y a effectivement aussi tout un ensemble de problèmes qui sont aussi environnementaux. Donc voilà, je ne vais pas lister tout ce qu'il y a là, mais ça vous fait tout un... Quand vous essayez de combiner un peu tout ça, les possibles, ça donne des choses assez complexes. Et donc, la manière dont apparaissent dans l'espace public, mais aussi dans les espaces scientifiques, dans les espaces de mobilisation, ces problèmes peuvent être sous des formes de combinaisons extrêmement différentes et avec des effets réglementaires, des effets de production de connaissances extrêmement différentes et des effets de possibilité d'action politique ou administrative ou de transformation régulatoire extrêmement différentes. Ça a aussi des conséquences en termes réglementaires, j'y reviendrai à la fin. C'est qu'on a, quand on cherche aujourd'hui, de certaines substances sont prises dans des dizaines et des dizaines de règlements, et on ne sait plus quoi s'applique, comment ça s'applique, et ça a des effets particulièrement en santé au travail, sur comment est-ce qu'on va prendre en charge les problèmes de santé au travail. Donc on se retrouve avec une intrication réglementaire qui, dès qu'on cherche, essayer de faire des choses, ça devient de toute façon presque ingérable. Donc c'est tout un ensemble de... Les pesticides sont intéressants aussi parce que par toutes ces catégories dont on n'a pas parlé de leur histoire, comment elles sont apparues, quand elles ont été construites, et pour beaucoup, des groupes de pesticides ont été essentiels dans leur construction. Que ce soit la catégorie des CMR, des POP, ce sont des catégories scientifiques et administratives qui sont apparues dans des contextes extrêmement particuliers. Le seul qui était vraiment étudié par des historiologues et sociologues des sciences politiques, c'est celle des POP, mais on sait très bien comment elle a été construite aujourd'hui, comment, pourquoi, etc. Et c'est des contextes très particuliers, elles n'arrivent pas comme ça dans les airs. Celle des PE, on a des éléments, mais CMR, on sait peu de choses sur comment elle s'est imposée, pourquoi elle a été créée dans les années 70. Celle des PBT, par exemple, c'est une autre catégorie scientifique et administrative qui est encore en cours de définition. Donc on a tout un ensemble d'éléments. Mais les pesticides, enfin certains types de pesticides, sont essentiels pour la construction de ces catégories et les travaux qui ont été conduits sur ces catégories. Je ne sais pas si je vais prendre les trois cas parce que je n'aurai probablement pas assez de temps, je voulais prendre trois cas différents parce qu'il y a des combinaisons ou des processus qui sont différents. C'est les controverses du début du siècle et tous les cas en France, puisqu'il y a quand même beaucoup de travaux en sciences humaines et sociales sur les pesticides, mais très peu sur l'Europe. Et on commence à en avoir en France, mais c'est récent. Et dans l'Europe, la France est sans doute le pays sur lequel on a le plus de travaux en sciences humaines et sociales. Il n'y en a pas beaucoup, c'est récent, mais c'est l'essentiel des travaux est sur les États-Unis, l'Amérique latine, un peu l'Asie, un peu l'Afrique. Mais pas l'Europe. Ça peut être... on pourra revenir là-dessus si j'ai des hypothèses, mais y a quand même des questions. Sur les controverses du début du siècle sur les arsenicaux, Je vais essayer, je passerai relativement vite les controverses des années 50-60 sur ce qu'on appelait les nouveaux pesticides de synthèse et puis la mise en visibilité intellectuelle. Ce qui se passe dans les trois cas est très différent, pour la santé au travail, pour la prise en compte ou la non prise en compte plutôt de la santé au travail ou la non prise en compte des problématiques de santé au travail en agriculture. Sur quoi j'ai essayé de réfléchir aussi, c'est que ces segmentations qui vont être opérées, qui vont être différentes, qui vont fonctionner de manière différente, il y a des effets d'invisibilisation, de visibilisation de certains problèmes, de hiérarchie des problèmes, de leur traitement, mais ça n'opère pas, nécessairement. Ces segmentations ne sont pas des causes de ces hiérarchies, c'est plutôt qu'elles mettent en visibilité, elles sont des révélateurs d'enjeux économiques, de rapports de pouvoir, de rapports de force, de formes d'organisation à la fois du secteur agricole, des intérêts des mouvements militants ou d'activistes, des formes d'expertise, aussi des intérêts des scientifiques et médicaux. Donc c'est des révélateurs plutôt des conséquences, des résultats, et des révélateurs plus que des choses qui agissent en eux-mêmes et qui vont reconfigurer tous ces éléments-là. Alors, je vais peut-être passer sur le premier point. Alors, en France, on va avoir une configuration particulière. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais en 1846, pour des raisons de sécurité publique, on va interdire l'utilisation des arsenicaux dans le chaulage des semences et dans la destruction d'insectes. Donc ça va être une disposition particulière qui n'existe pas ailleurs, parce qu'on considérait que c'était la cause de nombreux assassinats utilisant l'arsenic. Donc les milieux agricoles auraient été la source d'approvisionnement de tous les... meurtres qui auraient pu être perpétrés, assassinats criminels, empoisonnements criminels. Cependant, à la fin du 19e siècle, on va avoir, ça va être des techniques importées des États-Unis, de l'Angleterre, la diffusion dans les vignobles, puis dans les arbrissiers, puis dans l'entre-deux-guerres, dans la culture de la pomme de terre, dans ce qu'on appelait les cultures de rapport, c'est-à-dire celles qui étaient destinées à faire de l'argent, pas à nourrir simplement, donc c'était le début de l'intensification, de toute une gamme d'arsenicaux, parce qu'il y a de produits à base d'arsenic, mais qui pouvaient être associés au cuivre, au plomb, à tout un ensemble d'autres substances, dans ces secteurs-là, et c'est entre la période de la fin des années 80 et 1916, quand il va y avoir un règlement qui va mettre fin à ça, c'est une situation illégale, une totale illégalité, encouragé par les services agricoles de l'État, et les préfets considèrent que c'est une pratique qu'ils tolèrent. Mais c'est une vraie diffusion illégale. Et dans toute l'entre-deux-guerres, on aura des extensions de réglementaires qui vont légaliser des usages qui n'ont pas été légalisés en 1916. Donc on va avoir un processus comme ça du fait accompli, de l'utilisation par le fait accompli. Mais pendant la période, des inquiétudes de préfets qui, là, n'avaient plus peur d'empoisonnement criminel, mais d'accident, parce que des grandes quantités de produits à base d'arsenic circulaient librement, étaient vendus, achetés, utilisés dans des cultures, donc pouvaient se retrouver dans des aliments, dans le vin, dans des fruits, etc. Et il y a eu des accidents, il y en avait, donc des empoisonnements collectifs. Ont commencé à poser des questions au niveau local, alors qu'est-ce qu'il faut faire à leur conseil d'hygiène publique, et c'est remonté aussi au niveau de l'État, et donc l'État a aussi engagé des expertises pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Et c'est une controverse, je pense, chaque fois que j'ai regardé quelque part, je n'ai pas regardé partout, mais dans la presse professionnelle, il y a eu des controverses sur est-ce qu'il fallait utiliser ou pas. Et chaque fois que j'ai regardé, que ce soit la profession professionnelle agricole, médicale, chez les vétérinaires, chez pharmaciens, dans la presse générale, les débats parlementaires, les conseils généraux, donc dans les départements, on retrouve des traces parfois importantes de ces débats et des échos. Donc c'était une vraie controverse qu'on appellerait aujourd'hui publique, qui s'était diffusée extrêmement largement. Est-ce qu'on peut utiliser ou pas des arsenicaux en agriculture? Est-ce que c'est dangereux d'utiliser des arsenicaux en agriculture? Ce qui est intéressant, et là c'est une première segmentation, c'est qu'on évoque que la culture végétale, alors que c'était très utilisé en médecine vétérinaire. En 1846, la question de la médecine vétérinaire avait été posée, et notamment les bains arsenicaux des moutons, et qu'on plonge les moutons dans des bains contenant de l'arsenic pour enlever les parasites externes. Et la réponse avait été, c'est un problème, on va demander à l'école de pharmacie de faire des produits moins dangereux, et dès qu'on les aura, on change. Mais là, c'est oublié, c'est une question qui est oubliée alors que c'est très utilisé. Donc là, c'est une segmentation, il y a une visibilité pour les cultures de type viticulture, arbre fruité, et puis dans l'entre-deux-guerres, les pommes de terre. C'est simplement un extrait d'un journal agricole qui fait référence. Et donc, la personne la plus visible, c'était Paul Cazeneuve, qui était un toxicologue important, un professeur de toxicologie à Lyon, mais qui était aussi député, qui était médecin et pharmacien pharmacien. Les toxicologues, à cette époque-là, en France, étaient pharmaciens d'abord et médecins ensuite. Il pouvait rester comme pharmacien, mais c'était le cursus habituel. Et il était aussi sénateur du Rhône, donc il avait son laboratoire à Lyon. Et c'était la personne la plus engagée, à la fois politiquement et scientifiquement, médicalement, sur cette question-là. C'est celui qui va le plus porter l'idée qu'il fallait vraiment interdire tous les arsenicaux. Et donc, il va beaucoup aussi publier, il va être très présent de partout, on le retrouve de partout, mais il n'y a pas que lui. On aura trois grandes expertises, et ce qui est intéressant, et c'est mon point, c'est qu'on va débattre de toutes les questions ensemble, pas de manière séparée, c'est que ces expertises vont prendre en compte l'ensemble des questions. Elles vont prendre, est-ce que les arsenicaux sont vraiment utiles ? Il y avait beaucoup de débats dans le milieu des agronomes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ne pas faire, c'était des produits nouveaux. La toxicité relative des différents types d'arsenicaux, il y en a qui sont plus ou moins dangereux, donc peut-être qu'une solution c'est d'éliminer ceux qui sont les plus dangereux et de garder ceux qui sont les moins dangereux. Est-ce qu'on peut objectiver les expositions, l'existence d'expositions et surtout les effets de santé ? Et là, tout un ensemble de questions vont être posées qu'on retrouve aujourd'hui. Comment est-ce qu'on dose ? Il y a la non-spécificité des pathologies, parce que les arsenicaux, jusqu'à ce qu'au stade terminal qui peut arriver 20 ou 30 ans après, tout le début, ce sont des pathologies non spécifiques, de type neurologique, on tousse, il y a des pathologies cutanées, etc., qui ne sont absolument pas spécifiques. Et donc, comment est-ce qu'on peut les associer ? Pas de système de collecte de données de cas. Ça, c'est important parce que il y a eu une les médecins de l'Académie de médecine ont dit qu'il faut qu'on arrive à voir s'il y a vraiment des cas parce que il y a eu tout un débat, mais on les utilise beaucoup, mais il n'y a pas de problème. Ou très peu, c'est des accidents. Donc ça vous rappelle sans doute beaucoup de choses. Et donc c'est le ministère de l'Agriculture qui a été chargé d'organiser une enquête à l'échelle de la France entière pour voir s'il y avait effectivement des cas. Sauf que le ministère de l'Agriculture n'avait pas les moyens. Il s'est adressé aux préfets, qui sont adressés aux sociétés d'agriculture, donc pas aux milieux médicaux. Et les médecins disaient, mais même dans les milieux médicaux, on n'aura pas les informations parce que les milieux médicaux, pour les déclarations obligatoires, ne le font pas. Parce qu'ils sont dans des systèmes privés, donc ils ne veulent pas révéler les pathologies de leurs médecins et de leurs patients. Donc on disait, on ne peut pas le faire. Mais cette enquête a été justifiée, utilisée pour dire, il y a eu tout un ensemble de limites, pour dire il n'y a pas de problème. On les utilise, mais il n'y a pas de vrai problème. Il y a des accidents, mais pas de problème en situation normale d'utilisation. Et la question on a eu tout un ensemble de questions sur la résidu des fruits, dans le vin, donc il y a eu beaucoup de dosages, de problèmes de dosage. On a eu tout un ensemble d'enquêtes sur les contaminations des cours d'eau. Des escargots, parce qu'on ramassait, qui étaient dans les champs, on a posé plein de questions, les cultures intercalaires, insectes, oiseaux, etc., etc., les résidus dans le lait, des vaches qui mangeaient sous les vignes ou dans les vergers, etc., etc. Et on a posé la question des ouvriers, et j'insiste sur ouvriers, ça veut dire que c'était des salariés. On n'a pas posé la question qui est de gens qui étaient très nombreux, qui étaient propriétaires et qui exploitaient avec leur famille, qui n'avaient pas de salariés. On posait la question des salariés, et donc c'était dans les grands vignobles, ça concernait les grands vignobles, les grandes exploitations fruitières, préparant des bouillies, appliquant les bouillies, et on a posé des questions, certaines questions qui ne vont réapparaître en France qu'aujourd'hui, type le travail en vert, donc le travail qui après les récoltes, dans des champs qui ont été traités. On a posé la question des poussières ramenées dans les habitations, et donc des choses qui sont traitées aux États-Unis et donc des expositions qui se cumulent parce qu'on ramène des poussières à la maison, et donc on est aussi exposé parce qu'on vit près des champs, etc. Donc des expositions cumulées de ce type-là, c'est des choses qui vont être complètement oubliées, des expositions, des vêtements souillés, des contaminations de l'habitat de la famille, etc., etc. Tout un ensemble de questions qui étaient considérées comme relevant de liées à l'activité professionnelle. Et donc ça a été posé, et ça a été posé parce que les gens qui l'ont posé, ce sont des gens qui travaillaient sur les usines et qui les posaient sur les usines, les ouvriers des usines. Et ils faisaient l'analogie en disant, il faut qu'on aille aussi investiguer ça. Et il y a eu des expérimentations faites. On a mis des espèces de, ce qu'on appelle aujourd'hui des capteurs sur les tégumes, les mains, des gens qui travaillaient, des systèmes de masse pour récupérer. On a fait tout un ensemble d'expérimentations qui ont conclu que finalement, il y avait des formes d'exposition, mais que les pathologies qui en résultaient n'étaient pas très importantes. Vomissements, maux de tête, et que finalement, ça passait assez vite. Et que s'il y avait une bonne hygiène et des formes de protection, ça serait limité. Et donc, les effets à long terme n'ont pas été envisagés non plus. Voilà, mais c'est assez intéressant parce que tout ça, c'est dans les mêmes expertises. C'est pris ensemble et on a des formes d'interaction, de débat, des mises en relation aussi sur toutes ces questions-là. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus global. Voilà. De fait, il y a cette volonté, mais la grande préoccupation, en fait, c'est là que les jeux de rapport de force vont entrer en compte, c'est que les autorités publiques, les agriculteurs, et en fait, une partie des hygiénistes quand même, qui sont très vite convaincus, parce qu'ils ont des intérêts ou des liens avec des industriels ou des grands viticulteurs, c'est que ce qu'il faut éviter, c'est l'accident. Et la contamination accidentelle, parce qu'il y en avait beaucoup par les animaux, et notamment par les aliments. Il ne faut pas, il y avait eu une contamination qui revient sans cesse en 1887 à hier, il y avait eu 400 malades, des morts, c'est ce type de contamination-là qu'il faut éviter à tout prix. Et donc la question des résidus sur les fruits, dans le vin, est la question qui est quand même assez importante. Ou des contaminations accidentelles des cours d'eau, des puits, qui arrivaient dans les exploitations, qui arrivaient assez fréquemment aussi. De fait, les hygiénistes, ou même des agronomes quelquefois, des entomologistes, enfin des gens, des scientifiques, ou un ensemble de personnes de politique qui interviennent dans le débat, qui anticipent une épidémie d'arsenicisme, ne sont pas entendus. Et de fait, cette épidémie d'arsenicisme, on ne va pas l'avoir en France. On va avoir simplement un cluster qui va être dans le Beaujolais, qui va être identifié, qui va d'ailleurs servir au classement par le CIRS de l'arsenic comme un cancérigène dans les années 40. Mais si on ne le voit pas, c'est lié aux structures médicales françaises, aux structures du monde agricole. Et il va avoir une configuration particulière en Beaujolais et à Lyon qui va faire qu'on va, dans les années 40, mettre à jour un cluster chez les vignerons du Beaujolais, d'arsenicisme, et 20 ans, parce qu'il va y avoir un suivi qui va se mettre en place, on va s'apercevoir que ça se transforme en cancer. Donc dans la fin des années 50-60, et ce suivi va permettre d'objectiver, c'est une des choses qui va être retenue pour objectiver la carcinogénéité du cancer sur le CIRS. Mais c'est avant tout lié à des formes de structures de la santé publique en France qui ne permettaient pas de mettre en évidence ce genre de choses. Et de la santé en milieu agricole aussi, la conjonction. On ne saura jamais s'il y a eu une épidémie d'arsenicisme dans ces milieux agricoles. On ne le saura jamais. Nous, on ne le saura pas. Enfin, on ne peut pas. On sait juste qu'en France, il y a eu ce cas particulier qui a réussi à être identifié dans un contexte particulier dans le Beaujolais. Mais il y a quand même c'est une controverse publique, large, et avec des avis qui restent partagés, même dans les milieux agricoles, et certains agronomes sont très opposés à cette utilisation des arsenicaux à cause des dangers potentiels. Ça débouche sur une législation, et qui va être une vision optimiste, donc l'autorisation d'un ensemble d'arsenicaux pour un certain nombre d'usages, et l'argument c'est que tout est fortement encadré, il n'y aura pas de problème si c'est réglementation. Ce qui se passe, c'est qu'on va faire, il va y avoir un volet spécifique pour les gens qui travaillent en agriculture, et pour les ouvriers seulement, pas pour les ouvriers sont qu'une partie de la population qui travaille en agriculture. qui sont le port de protection et des mesures d'hygiène. Et il y a des effets avec des interdictions et des restrictions d'usage qui ne sont jamais respectées, de fait. Donc l'idée, c'est porter des protections, des gants, des masques, des vêtements qui couvrent, se laver régulièrement, etc., les trucs classiques, et qui vont se mettre en place. Mais là, on va créer, de fait, dans la réglementation, une vraie segmentation qui n'existait pas auparavant et qui va devenir assez opérante. De fait, ici, c'est avant tout la défaite, pas de la santé au travail, mais la défaite de ceux qui défendent l'interdiction totale ou avec des restrictions extrêmement importantes d'usage. Donc, c'est la défaite de tout un ensemble de groupes d'hygiénistes et des gens qui l'avaient trouvé dans des alliés politiques et dans les administrations. Tout un ensemble de... C'est avant tout cette défaite-là, et pas du tout, avant tout, même si ça a des effets sur la santé au travail. Ensuite, un point que je voudrais faire, c'est aussi qu'à l'intérieur de cette question de la santé au travail, il va y avoir des formes d'invisibilisation et des hiérarchisations. Je vous en ai parlé, on ne reparle pas des arsenicaux en élevage et on ne parle pas de tous les gens qui ne sont pas ouvriers, donc pas salariés. Et il y en a beaucoup. Donc on est aussi dans une autre forme de segmentation. Il y a des segmentations qui se créent, qui vont être spécifiées aussi dans les règles pour les arsenicaux en élevage, qui vont passer dans le domaine de la réglementation du médicament vétérinaire. Donc il y a des formes de segmentation qui se créent, qui créent des formes d'invisibilité à l'intérieur même de la question de la santé au travail. Ça a un effet, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on va avoir une régulation, des formes de réglementation qui vont spécifier et définir de manière extrêmement étroite à la fois les problèmes des expositions et les problèmes des effets sur la santé des travailleurs agricoles. La question, c'est avant tout une question de prévention et d'hygiène pour les ouvriers qui travaillent dans certains types de cultures. Et ça a un effet sur le long terme qui est visible jusqu'à aujourd'hui. Mais on peut aussi, il y a ce phénomène-là de la réglementation d'issue, mais il y a aussi un problème, on a un très gros confinement, donc un très gros confinement, une très forte invisibilité qui se met en place, ce qui n'était pas le cas avant 1916 et avant l'entre-deux-guerres, mais c'est aussi le résultat d'autres phénomènes. Si on se place à l'échelle dans le monde, dans l'entre-deux-guerres, il va y avoir des très grosses mobilisations contre l'utilisation d'ouvriers agricoles, contre l'utilisation de produits chimiques pour la protection phytosanitaire. Il va en avoir en Australie, chez les éleveurs, chez les gens qui travaillent dans l'élevage de moutons. Pourquoi ? Parce que ce sont de très grosses exploitations avec des syndicats d'ouvriers qui vont s'organiser et qui vont demander à ce qu'on n'utilise pas les arsenicaux. Ils ne vont pas obtenir ce qu'ils veulent, mais ils vont avoir des grosses mobilisations. Il va en avoir en Amérique latine, dans la culture de la banane, pareil, parce que ce sont des très grosses exploitations avec des syndicats ouvriers qui vont considérer que c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Et on n'est pas du tout dans ces configurations-là en France, voire même dans une grande partie de l'Europe. Ça ne veut pas dire que les mobilisations aboutissent, mais elles existent et elles mettent des visibilités publiques qui remontent jusqu'à l'échelle de l'État sur la question spécifique de la santé au travail. Alors, je vais regarder combien de temps il me reste. Combien jusqu'à quelle heure je pars? C'est juste pour avoir une idée de... 10 minutes, un quart d'heure, c'est okay, 15 minutes, ouais. 15 minutes. 15 minutes. Donc je vais pas vous présenter le détail de ce qui se passe dans les années 50 et 1960 pour vous parler un peu de la situation actuelle. Simplement, il y a un phénomène, c'est que en une dizaine d'années, il y a d'abord le phénomène de l'homologation qui se met en place en France, donc l'autorisation préalable, et il y a une évaluation de la toxicité qui est faite. Alors, c'est pas du tout la même chose que maintenant, ça se fait de manière différente. Mais une dizaine d'années, entre 45, le fin de la guerre, et 55, on a quand même beaucoup de substances qui arrivent sur le marché français, dans des cas en nombre moins important, mais... Je sais qu'au début des années 60, il y a déjà au moins 200 substances. Donc, si je définis cette classe des années 50, c'est parce que ces 10 années vont être une période de très forte contestation, et elle va changer de nature après. Cette très forte contestation dans les milieux scientifiques. Et d'abord les milieux écologues, qui vont être sur le pont au niveau européen, avec Roger Heim, etc., qui était donc c'est sur la question des insectes, la faune, parce que très vite, il remarque de l'utilisation, pas, on pense souvent des TT, mais en fait il y a eu des dizaines et des dizaines d'autres substances qui ont très vite été utilisées. Et les écologues ont tout de suite remarqué des effets sur la faune. Et ils vont se mobiliser très vite. Donc, dès que l'arrivée, il y a des effets sur la faune, et donc ils se mobilisent très vite. Et des médecins toxicologues, des pharmaciens toxicologues, des agronomes aussi, qui sont très inquiets. Il y a dans tous les espaces scientifiques, pendant ces 10 années, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de débats et beaucoup d'inquiétudes. Donc on a une période comme ça qui après va s'éteindre. On a aussi, qui s'éteint ensuite, jusqu'à la fin des années 60, qui est beaucoup moins importante, qui prend d'autres tournures. Et on a des relais importants dans la presse. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est surveillée, cette presse. J'ai trouvé des archives qui montrent qu'elle était surveillée. C'est-à-dire qu'elle était surveillée dans le sens où on collectait les articles, on essayait d'anticiper les prochains scandales. Et c'était un travail qui était fait entre le ministère, le service de la protection des végétaux et l'industrie phytosanitaire, qui avait un bureau. C'était un travail qui était fait en commun. Et donc l'idée, c'était de repérer tous les endroits où les pesticides étaient critiqués, d'organiser des réponses et éventuellement d'anticiper l'arrivée de nouveaux scandales. On surveillait ce qui se passait aux États-Unis pour pas qu'il y ait un autre effet Silent Spring, etc., etc. Donc il y avait tout un ensemble de choses qui étaient mises en place, qui étaient avec les moyens du bord, effectivement, et qui pouvaient donner lieu à des formes... par exemple, quand on repérait une ferme, une exploitation qui était mise en évidence dans la presse comme étant n'utilisant pas de pesticides, elle avait immédiatement une visite de le service d'inspection de la protection des végétaux, elle était inspectée, etc., etc. Il y avait des formes comme ça qui étaient... Et surtout, il y a la production, c'était utilisé pour produire des textes qui étaient publiés ensuite dans la presse professionnelle agricole, qui, avant la Seconde Guerre mondiale, sur ces questions, étaient très libres, j'ai envie de dire, qui montaient des opinions différentes, qui n'hésitaient pas à montrer, même s'il y avait des points de vue, mais elles publiaient les textes de Paul Cazeneuve, par exemple, sans problème. Elle les exposait, les publiait, même si après elle disait c'est du n'importe quoi, elle ne comprend pas. Mais quand même, elles étaient publiées. Là, il y avait des formes de... Et puis il y avait des opinions d'agronomes qui n'étaient pas d'accord avant-guerre, en disant c'est dangereux, ou il y a d'autres techniques qui sont plus efficaces, ou qui étaient publiées. Là, on va avoir une prise en main de la presse professionnelle agricole, de tout un ensemble de presse professionnelle, et aussi des services d'État, mais qui se comprend. On est dans une période qui change, il faut intensifier très vite, et c'est des questions qu'on ne peut pas se poser, qui ne sont pas pertinentes. Au sortir de la guerre, c'est il faut nourrir la France, et ensuite il faut faire du secteur agricole un secteur puissant. Donc on est dans des logiques totalement différentes, mais ça veut dire une prise en main, et donc il faut construire un discours. Je discutais à midi, on ne peut pas se vivre comme un empoisonneur, et donc les gens qui vont, il faut qu'ils aient des arguments à opposer aux arguments qui sont dans la presse, aux scandales qui sortent, etc. Et donc ça passe, en part de c'est en tout cas mon hypothèse, c'est passé par la production d'un contre-discours largement diffusé dans tous les milieux agricoles pour avoir des arguments à ce qui sortait dans la presse générale, dans des rapports scientifiques, dans tout un ensemble d'espaces. C'était quelque chose qui n'existait pas avant-guerre. Vraiment, il y a eu une vraie transformation de ce point de vue-là. Et un autre élément, c'est qu'il y a, il y a des formes d'activisme, mais il n'y a pas en France, contrairement aux États-Unis, contrairement à d'autres pays, un activisme spécifique sur les pesticides. On n'aura pas d'organisation qui va se dédier spécifiquement aux pesticides, et ça va donc être extrêmement diffus. Il va exister, il va y avoir plein de formes, mais pas de... C'est extrêmement... Donc, je ne vais pas vous montrer le détail, mais par exemple, ça date de 1954. Et ça, j'ai l'original du numéro, mais ça, c'est ce qui était dans ces archives. Donc ça, c'est un dossier, et donc de ces archives du ministère de l'Agriculture, donc, où on a la presse qui est surveillée, avec des annotations, des commentaires sur ce qu'il faut faire, etc. Et avec des lettres, des échanges avec les industries phyto, etc. Et donc là, ils avaient relevé ça. Et donc c'est un dossier qui s'appelle Beer, c'est André Beer, qui a été un des fondateurs de Nature et Progrès ensuite. Et ça date de 1954, c'est des articles. Donc il y a un dossier André Beer qui, quand il parle des pesticides. Et voilà, ça c'est le Figaro, donc il y a des millions de tonnes de pesticides répandus à la surface de la Terre, mais c'est dans la c'est aussi une critique de la transformation de l'agriculture, et c'est focalisé, ce que vous voyez, c'est focalisé sur les résidus. Donc voilà, il y en a tout un ensemble. Ça, c'est pesticides, insecticides, herbicides, hémicides. C'est le laboratoire coopératif qui était une des premières, là, une grosse, qui était une organisation de consommateurs avec un laboratoire d'analyse qui a fait des enquêtes sur les pesticides régulièrement tout au long de la période. Voilà. Alors là-dedans, juste quid des ouvriers, de l'ensemble des personnes, etc. Très Il y a eu le moment écologique et il reste, il est présent. Mais la question la plus importante, c'est les résidus. C'est les résidus parce qu'on est dans une société de consommation, la consommation se développe. Mais c'est aussi les résidus parce que c'est quelque chose qui politiquement peut être traité. Pourquoi ? Parce qu'il y a des injonctions, il y a tout un ensemble de réglementations européennes, internationales qui se mettent en place et qui font que pour exporter, il faut être capable de contrôler ces résidus. Que ce soit sur les fruits, les légumes, dans le lait, puisque ça passe par des aliments. Et donc, on peut apporter une réponse politique à cette problématique. Donc, il y a deux choses qui vont se croiser et qui font que... et il va y avoir une réforme du système de location dans les années 60-72, et c'est qui va porter essentiellement sur les résidus. Elle est en fait pour permettre au secteur agricole et agroalimentaire de continuer à exporter sans trop de problèmes. Mais de fait, elle va être présentée comme nous prenons en compte toutes ces considérations, toutes les inquiétudes de la population sur les résidus. Et dans tout ça, les travailleurs de l'agriculture sont soit des inconséquents qui ne respectent pas les réglementations, qui s'empoisonnent éventuellement eux-mêmes mais empoisonnent les autres, du point de vue des gens qui s'inquiètent. Et du point de vue des services de l'État ou des industries ou des organisations agricoles, parce que les organisations agricoles promeuvent ce discours aussi, le fait qu'il n'y ait pas de problème sur la santé des agriculteurs est une preuve que les pesticides ne sont pas dangereux. Et c'est ça. Alors qu'en est-il ? C'est difficile de savoir, mais il y a eu un vrai moment d'inquiétude dans les milieux médicaux français. Tout un ensemble de travaux ont été engagés, il y a eu beaucoup de démarches et des inquiétudes parce qu'il y avait des intoxications aiguës importantes, notamment parathion, comme de partout ailleurs, qui a une toxicité aiguë extrêmement importante. Et donc ça, les médecins qui étaient dans les urgences ou qui étaient en milieu agricole le voyaient. Et sur les effets d'exposition répétée, parce que dans les milieux scientifiques, c'est une problématique qui monte dans les années 50, notamment pour les effets cancérogènes, les effets faible dose, petite dose, etc. Et on se dit qu'il va avoir des problèmes, là encore, qu'il va avoir des épidémies de cancer, qu'il va avoir... Et puis, il y a d'autres types de pathologies qui apparaissent, type les allergies cutanées, les gens les voient beaucoup, les allergies respiratoires, les médecins, il y a des formes... quand on regarde tout un ensemble de publications médicales, on voit un ensemble de choses, et des tentatives de recherche à se mettre en place, et tout ça avorte. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de financement, je pense. Une des choses, c'est qu'il n'y a pas de financement, et donc ces gens-là vont se réorienter vers d'autres choses. Et au cours des années 60, ça va se mettre en place péniblement une médecine professionnelle agricole, et ça va encore... on va considérer que c'est de son domaine, sauf qu'elle n'a pas les moyens de le faire, qu'elle n'a pas les compétences... Et puis qu'il y a un système d'assurance de prévention qui est aussi un système qui dépend des gens qui assurent. Enfin, il y a tout un ensemble de domaines qui font que ça va contribuer à complètement écraser cette problématique et d'autres de santé au travail en milieu agricole. Donc ça ne va pas être visible en France. Simplement, ça, c'est ce qu'on... Je vous ai mis une chose qu'on peut trouver dans les archives de maladies professionnelles, par exemple. Donc ça, c'est un typique d'un cas d'intoxication... pour le coup, il y avait 12 ouvriers agricoles, c'était en Algérie, mais à l'époque l'Algérie était française, et un des 12, qui vont être intoxiqués au parathion, et un des 12, c'est un des 12 ouvriers, celui qui avait 19 ans va en mourir. Et les autres ne vont pas en mourir, mais on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent après, quoi. Donc ces accidents aux États-Unis, en Californie, sur les ouvriers mexicains, à la même époque, vont engendrer des formes de la mise en place d'un système d'observation pour les relever, mais pas du tout en France. Ça va pas du tout, ça va absolument... Il y en a. Il y a même des travaux qui sont initiés en France assez importants pour développer des antidotes à ces intoxications, mais il n'y aura pas du tout de système mis en place, ne serait-ce que pour opérer ces accidents très visibles qui conduisent à la mort. Donc, je vais passer. Simplement pour vous dire que la segmentation des problèmes, il y aura une très grosse segmentation qui va se mettre en place même dans les réglementations à partir de ce moment-là. Résidus, abeilles, insectes, gibier, eau, etc., ouvriers. Cette segmentation, elle est importante. La question des résidus, des enjeux économiques est aussi importante, cette visibilité, mais c'est aussi lié au fonctionnement du secteur agricole et à l'organisation socio-économique du secteur agricole, avec des syndicats qui sont ouvriers qui ne sont pas nécessairement très puissants, très organisés, avec des patrons qui sont souvent très exposés, qui peuvent être malades aussi, parce qu'il y a des petites exploitations, mais bon, ça ne va pas être du tout la préoccupation, etc. Et puis ce système de prévention et de réparation qui ne va pas du tout aider à la santé au travail, en tout cas pour ces questions-là. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'étonnant. Moi, je vous avoue que j'ai été super, en tant qu'historienne, super étonnée. C'est pour ça que j'ai monté un projet de recherche là-dessus. C'est pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Parce qu'on entend parler beaucoup de travailleurs agricoles qui sont exposés. On entend parler beaucoup. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette mise en visibilité? Alors, moi, je pense qu'elle est d'abord due à une mise en visibilité massive du problème des pesticides, de manière plus générale. Avec une organisation spécifique, elle a été très importante, ce qui s'appelle maintenant Généreux Futur, pour faire émerger la problématique des expositions en milieu professionnel agricole. Et pour le coup, là, la santé environnementale, Génération Future était engagée sur les consommateurs et les riverains, a été au départ un élément très important de l'émergence de la question de santé au travail en milieu agricole. Parce qu'elle a soutenu beaucoup les premières personnes qui ont décidé de s'engager. Elle l'a fait parce que justement, elle voulait casser cet argument, probablement, c'est une hypothèse, qu'il n'y a pas de problème chez les professionnels, donc il n'y a pas de problème chez les consommateurs. Et donc, puis il y a une présence régulière, les abeilles, enfin tout un ensemble de problèmes qui font qu'il y a une très grande visibilité. Une chose, c'est qu'enfin, j'ai envie de dire enfin, je ne sais pas comment dire autrement, à partir de la fin des années 90, il y a des vrais travaux, il y a des travaux qui sont produits en épidémiologie, en herbotoxicologie, tout un ensemble d'éléments scientifiques. C'est presque petit par rapport à d'autres pays, mais pendant très longtemps, les gens qui ont essayé, moi j'ai trouvé des gens qui au début des années 90, des épidémiologistes qui voulaient tenter des travaux sur ces questions-là et qui n'ont pas pu le faire pour des questions d'absence de financement, d'absence d'accès à ce qu'ils voulaient faire. Donc il y a vraiment eu et à la fin, quelque chose s'est passé qui est fait que à partir de la fin des années 90, certaines personnes dans certains lieux ont réussi à faire des travaux qui ont objectivé des problèmes, ce qui a aidé aussi, enfin en tout cas c'est pas seulement ça, mais ça a contribué à mettre en visibilité. Il y a eu des procès très médiatisés, il y a eu des alertes, l'alerte sur les équipements de protection, et ça a généré des ensembles de réactions politiques et administratives, des expertises importantes, et moi je fais partie d'une expertise qui va bientôt rentrer dans un rapport, on travaille depuis plus de 3 ans maintenant, tout un ensemble de discussions. Donc il y a une vraie mobilisation autour de ces questions. Mais c'est extrêmement fragile, l'essentiel du monde agricole ne se mobilise pas. C'est soit de l'indifférence, soit des problèmes économiques plus importants, soit des oppositions qui sont vraiment importantes et structurelles pour tout un ensemble de raisons technico-économiques. Il y a aussi, chez les gens qui se mobilisent maintenant, qui se rendent compte, la peur d'un système qui renforce la responsabilité de la personne qui travaille, fasse toute porter la responsabilité, parce que les transformations réglementaires à l'œuvre, ce qui se dessine, si elles aboutissent en tant que telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est que ce sera la responsabilité de la personne qui va travailler. C'est tout ce qui est mis en place au final. Et les gens qui sont engagés des procès, qui ont obtenu des réparations aujourd'hui, ne pourraient plus le faire si ce qui est en train de se mettre en œuvre se développe, se aboutit. Donc là, la mobilisation a cet effet-là. C'est-à-dire que des administrations sont en train de... Alors, on est en train de... C'est pas fini, hein, les choses ne vont peut-être pas aboutir. Mais il y a des orientations qui se dessinent, qui pourraient aboutir à ce type ce type de phénomène. Et on voit chez des employeurs, et paradoxalement, les exploitants seuls sont en train de disparaître. Il y en a plus parce qu'il y a de moins en moins d'exploitations, donc il y a de plus en plus de salariés, qu'ils soient légaux ou illégaux, d'entreprises de prestations de services, etc. Et donc l'idée, c'est de se prémunir du risque juridique, pas de prévenir les gens en effet de la santé. Il y a d'importantes initiatives politiques et administratives, mais peu de transformations. Et les transformations, c'est vraiment pour les administrations de se prévenir du risque juridique et de trouver quelqu'un sur qui le reporter. Enfin, je ne dis pas que les gens le font intentionnellement, mais on engendre des dynamiques qui tentent à conduire à ça. Ce n'est pas nécessairement intentionnel, mais les dynamiques qui se mettent en place, parce qu'elles ne sont pas que nationales, elles sont aussi européennes, il y a des tas d'interactions, et dans toutes ces négociations et ces interactions, ce qui peut se dessiner ou ce qui se dessine actuellement, ce n'est pas fini, ça peut avoir ces effets pervers-là. Et puis, on revient toujours à ces solutions que moi j'appelle techniciennes, alors qu'elles sont très partiellement efficaces, les EPI, ce qu'on appelle les bonnes pratiques agricoles, et les autorisations de mise sur marché, où il y a des évaluations de l'exposition, mais des évaluations d'exposition qui sont faites d'une manière, je ne vais pas rentrer dans les détails, je l'ai fait ailleurs, qui pose tout un ensemble de problèmes, qui sont totalement déconnectés, qui fonctionnent sur ce que moi j'appelle des fictions. Et puis, il y a une fragilité de cette alliance mobilisation environnementale, mobilisation de santé au travail, qu'on voit maintenant avec la problématique des riverains, par exemple. Et donc là, c'est extrêmement difficile à faire tenir. Je finis juste sur le fait qu'elle est une visibilité, mais qui est très partielle, parce que ce qu'on voit essentiellement, que ce soit dans les discours, les réglementations, c'est l'agriculteur, donc l'homme propriétaire, qui a le libre choix. Même s'il n'a pas le libre choix dans les réalités, mais on voit ça. On voit des salariés permanents, mais un peu, beaucoup moins que cet agriculteur. Et dans tous les lieux où je vais d'expertise politique, on parle toujours de l'agriculteur. Qu'est-ce que ça veut dire, l'agriculteur? Ça ne veut rien dire. Et on parle des tâches de préparation et d'application, même si on sait que le travail en vert, donc dans les champs appliqués, ça peut être beaucoup, au moins aussi exposant, voire beaucoup plus exposant que ces tâches-là. Et on ne parle pas des femmes, alors qu'il y a au moins 30% de femmes en agriculture qui travaillent. On n'en parle que comme les épouses qui vont conseiller l'agriculteur pour avoir des meilleures pratiques de santé. Et donc, quid des femmes qui travaillent et qui travaillent surtout aux tâches en vert, donc qui sont particulièrement exposées, qui peuvent être beaucoup plus dans des situations type saisonnières, pas précaires, etc. Quid des salariés migrants, des travailleurs volontaires, ce qu'on appelle les travailleurs volontaires, c'est un statut dans la législation agricole. Donc des gens qui ne sont pas payés, mais qui sont dans la famille, des amis, des voisins, etc., qui peuvent être assurés, mais qui... Des prestataires de services, il y en a de plus en plus, et notamment des prestataires de services qui font les traitements. Quid des techniciens conseillers agricoles qui vont aller vérifier les plantes, les fruits, etc., et donc qui touchent beaucoup. Quid des tâches de réentrée, donc je veux dire de conditionnement aussi, quand on traite les pommes de terre et après qu'on les conditionne, les fruits, après récolte, etc., etc. Les questions des multi-expositions sont vaguement évoquées, mais on est toujours dans un raisonnement un produit, une tâche, pas seulement un produit, mais une tâche, donc on a beaucoup de tâches plus le produit. L'exposition travail-habitat riverain, les gens sont souvent riverains, etc., etc. Et quid du moi, ce que j'appelle, si je prends l'expression du travail réel, parce qu'à l'EFSA, par exemple, ou dans d'autres lieux, on parle sans cesse, il faut qu'on rende compte du travail réel alors qu'on est en fiction. Et tous les travaux d'ergonomes, tous les travaux qui sont, ou des études de cas assez définies, qui essayent de prendre en compte le travail réel, sont complètement exclus. Et les pires cas, quand on regarde ce que sont les pires cas, on est allé sur une exploitation ou qu'on connaît les tâches, on est juste... ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a vraiment pas de sens. Et cette confrontation-là, c'est pour ça que je parle de fiction. Il y a des fortes... qu'est-ce qu'on fait de ce travail réel? Ça ne veut pas dire que les réglementations ne sont pas inefficaces ou ne sont pas nécessairement... Mais il y a quand même des problèmes... sont toujours inefficaces, mais il y a quand même des vrais problèmes. Et donc, on a des formes de vision comme ça, qui sont dans les espaces politiques, administratifs, au sein des réglementations, et qui, donc, fait que, même au sein de cette question de la santé au travail, quand elle est prise en compte, on a des formes de segmentation et de hiérarchisation et d'invisibilisation. Voilà. Et je voulais finir sur cette question des multiplicités des textes réglementaires, mais si vous êtes un agriculteur, ou enfin quelqu'un qui travaille sur une exploitation, vous êtes confronté... aux réglementations phytosanitaires, biocides, médicaments vétérinaires, REACH, Il y a des réglementations sur la prévention sur les substances chimiques, et des réglementations sur le conseil agricole qui est considéré comme un élément important, des réglementations sur le pays, des réglementations sur l'eau qui peuvent affecter votre travail, etc., etc. Même les juristes n'arrivent pas à les maîtriser. Je connais des juristes qui commencent à travailler là-dessus, ils sont complètement saturés, ils ne comprennent pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ensuite pour un exploitant ? Qu'est-ce que, si un jour il demande à être reconnu, s'il demande à savoir qu'est-ce que je dois faire, vraiment réglementairement être en conformité, c'est juste un. Donc, enfin, c'est très, très, extrêmement difficile. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Merci Nathalie. J'ai beaucoup parlé trop longtemps, j'imagine. Non, mais t'inquiète. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions ? Moi, je voulais aller dans le sens que vous avez soulevé. Je vous remercie de t'exposer quand même, qui nous donne une très bonne idée des stratégies mises en œuvre par les différents acteurs hein, pour rendre invisible cette question. Je voulais simplement rapporter l'observation que j'ai pu faire concernant le tableau de maladies professionnelles pesticides Parkinson. Oui. Donc, le régime agricole reconnaît la maladie de Parkinson comme une conséquence des pesticides et permet de réparer ces maladies. Donc, évidemment, le régime général, sous la pression des représentants des travailleurs, a mis à l'étude un tableau maladie professionnelle pour le régime général pesticides Parkinson. Donc, on s'est trouvé confronté à des difficultés, disons, inhabituelles. Tout d'abord, il y a eu un lobbying absolument massif des métiers, comment ils disent ça, de la protection de la nature, là, des industries de protection de la nature, c'est-à-dire en fait des fabricants de pesticides, oui. Qui sont venus en tant que tels, entendus par un groupe de travail. Deux, une très très grande impossibilité pour les experts de nous dire des choses pertinentes. C'est absolument étonnant. Il semble que les pesticides soient vraiment un endroit sous-étudié. Enfin, on n'a que des données extrêmement secondaires ou des données qui sont expérimentales. En tout cas, des données qui n'ont pas convaincu l'administration de poursuivre, puisque les travaux ont été ajournés, là, il y a un mois de ça. Nous avons simplement pu mettre en œuvre un groupe de surveillance sur les pesticides pour régime général. Voilà. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que dans le régime agricole on a fait un tableau et pourquoi on ne peut pas le faire dans le régime général ? Et l'explication que nous a donnée le ministère de l'Agriculture, c'est que dans le régime agricole, les victimes sont aussi les employeurs, lesquels sont soumis au risque. Ce qui me paraît tout à fait intéressant. Je pense que, évidemment, on pourrait demander au chef d'établissement d'aller faire le travail sur le terrain. Ça nous simplifiera les choses pour pouvoir, bien évidemment, réparer un certain nombre de maladies. Donc, ça, c'est une explication, disons, que moi je trouve assez peu pertinente. Je pense qu'il y a d'autres choses derrière, très probablement. La stratégie constante des employeurs, c'est la dilution de responsabilité. Par exemple, là, on nous a dit que comme l'ANSES attribuait des AMM, des autorisations d'utilisation, dorénavant, c'était l'ANSES qui serait responsable, puisqu'elle définissait en fait la possibilité d'utilisation ou non du pesticide. Et puis, ce que me faisait penser votre dernier transparent, c'est-à-dire en fait malheureux exploitant confronté à une multiplicité de réglementations, c'est exactement la responsabilité du dernier utilisateur, si je puis dire, qui est construite complètement par le droit français. Voilà, c'est une dilution de la responsabilité des principaux acteurs. Pour des raisons probablement économiques, mais également pour des raisons, disons, psychologiques. Comme vous le dites très bien, je crois, enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu, en tout cas, il faut absolument que quelqu'un qui exploite la force de travail puisse avoir quelque chose qui l'exempte vis-à-vis de lui-même de sa responsabilité. C'est les stratégies, les Américains ont très bien étudié ça, les sociologues américains, de désengagement moral dans le monde de l'industrie. je vous conseille de lire cet article. Oui, je vois bien. Absolument. Alors, c'est... Oui, vous avez... Pardon, excusez-moi. Je vous ai interrompu si vous n'avez pas fini. Je vous en prie. Alors, c'est compliqué. Enfin, je pense que l'argument du ministère est un peu malhonnête, parce que la FNSEA s'est opposée très fortement à ce type... Donc ce sont les plus gros employeurs et les petits exploitants. Enfin, moi, j'ai grandi sur une exploitation de petits exploitants, justement, un ouvrier, la famille, et puis éventuellement des gens qui aident sur les grosses tâches, des saisonniers ou des travailleurs volontaires. J'ai travaillé dans des serres, tout ça. Je connais tout à fait... c'est des questions dont on ne voulait absolument pas entendre parler, parce que ça veut dire des cotisations beaucoup plus importantes. Et, donc, et puis, il y a le fait aussi que... c'est pas seulement les cotisations plus importantes ou des formes de... c'est aussi le fait que on perd son outil de travail dans un contexte, et que très souvent on est aujourd'hui dans des systèmes sur des exploitations petites ou grandes qui sont 90% par exemple du maraîchage, c'est lié à des filières. Quand on reçoit à 3h du matin un SMS qui dit, parce que le logiciel de surveillance bio machin truc dit qu'il faut aller traiter à 5h, que les conditions soient respectées, que etc ce soit respecté, que le produit soit plus autorisé pour cette substance, pour ce sculpte, tout ça, ça n'a aucune importance. Et si on le fait pas, la récolte ne sera pas apprise, parce qu'il y a des systèmes, enfin il y a tout un ensemble d'éléments. Donc on est dans des systèmes de contraintes. Et il y a, dans l'unité dont je m'occupe, que je dirige, j'ai eu quelqu'un qui a fait un très beau papier qui s'appelle « Ni patron, ni ouvrier ». Cette liberté de choix, très souvent, on est pris dans des systèmes qui sont très compliqués. Donc l'argument du ministère, elle n'est pas très pertinente. Pour eux, j'ai des collègues qui sont dans ce groupe de recherche, qui ont travaillé sur... ils vont publier, c'est pas encore fini, qui ont suivi le processus où on a obtenu le Parkinson. Mais il faut regarder le tableau avec énormément de restrictions pour la reconnaissance directe. C'est vraiment... Donc l'essentiel des gens n'auront pas de reconnaissance directe et devront passer par les TAS et les procès, les procédures qui seront effectivement extrêmement longues. Donc, dans ce sens-là, ça marche, mais le régime agricole n'est jamais fait. Il y a des tableaux sur des substances chimiques ou autres qui pourraient nous concerner. N'a jamais fait le travail inverse aussi, il faut quand même aussi prendre ça. Après, je sais que c'est des rapports de force extrêmement compliqués. Sur les données, moi, pour autant que je comprenne, les données épidémiologiques du Parkinson, en tout cas, est-ce qu'on prend toutes les études étrangères, comment est-ce qu'on garde ou on exclut les études, c'est extrêmement important. Moi, je trouvais, enfin, dans les milieux avec lesquels je discute, c'était quelque chose qui est plutôt acquis. Dans les milieux, mais je ne suis jamais allée du côté des industries, mais c'est quelque chose qui ne semble pas trop contestable, enfin, a priori. Voilà. Si je peux me permettre, ce qui bloque, c'est la notion générique de pesticide, en fait. Voilà, parce qu'il faut attribuer à certains pesticides. Voilà, c'est quel pesticide Oui, voilà. Tout à fait, toujours. Le problème, c'est que... Les employeurs demandent absolument qu'on nomme le pesticide responsable. Oui, mais il y en a... C'est pas possible, puisque les études sont... Ben oui, mais en plus, c'est pas possible parce qu'il y en a beaucoup, oui. Et sur des formulations qui sont très complexes. On arrive à, je crois, alors je sais pas, je me rappelle plus pour le Parkinson, on arrive des fois à faire des associations avec des groupes, type organophosphorés, oui. Organochlorés, et pour les pesticides qui sont connus depuis très longtemps, mais c'est ceux qui sont souvent interdits, on arrive à faire aussi des corrélations, mais c'est extrêmement rare. Donc voilà, c'est toujours ces phénomènes de négociation sur les reconnaissances. Je suis d'accord. Mais l'argument, c'est l'employeur, ne marche pas. C'est pas vrai du tout. Hein. Sauf exception. S'il y a d'autres questions, vraiment. Alors moi, juste peut-être une petite. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner de mobilisation pour la santé environnementale autour d'une question qui a trait aux pesticides, qui aurait déteint, enfin, comment dire, contaminé, je ne sais pas comment dire, gagné le monde agricole sur le versant des travailleurs? Alors, un exemple précis. En France, ça s'est passé. Oui, en France. Ouais. Voilà, ça s'est passé en France, justement, ouais. Ce qui s'est passé là actuellement. Alors, ça, c'est pas que ça a déteint directement, mais le. Aux États-Unis, dans les années 60, en Californie, je vais juste faire un contraste, très très vite. Il y a eu beaucoup de mobilisation de travailleurs mexicains très organisés, et qui ont mis la question pesticides au centre. On avait aussi des mobilisations environnementales très importantes qui se mettent en place à la fin des années 60. Et ces Mexicains ont demandé l'appui de ces mobilisations environnementales. Ils ne l'ont pas eu, très marginalement, ça n'a pas fonctionné. Les explications qui sont données par les historiens ou les sociologues qui ont étudié ça, c'est vraiment des effets de classe, des effets, tout un ensemble d'intérêts, enfin vraiment de milieu, enfin il y a tout un ensemble d'effets, ça n'a pas fonctionné du tout. Alors que ces Mexicains ont obtenu des choses. À la fin des années 90, le mouvement, ce qui devient Génération Future, c'est tout petit en termes de personnes, mais ce mouvement-là, François Veyrette et d'autres personnes, c'est tout petit, mais va réussir à créer une mobilisation autour spécifique autour des pesticides. Quand j'avais discuté avec lui, il m'avait dit que sa décision avait été prise vraiment de s'engager là-dedans après la lecture du livre de Theo Kohlborn, donc Our Stolen Future, donc sur les perturbateurs endocriniens, etc., et dans lesquels les pesticides sont très importants. Mais il s'est engagé sur la santé environnementale, mais si ça a fonctionné, c'est aussi parce qu'il s'est inscrit dans le Pesticide Action Network, donc qui est une organisation transnationale qui a été créée au début des années 80 en Asie, par quelqu'un qui est un global activiste, son nom, mais qui a créé aussi sur les antibiotiques, sur l'allaitement, enfin tout un ensemble d'organisations qui ont une vocation transnationale, à fédérer des organisations locales, nationales, locales, avec des organisations européennes. Donc lui, il va se mettre dans celui du Pan-Europe. Et la plus importante à cette époque-là, c'est celle qui est en Grande-Bretagne. Mais il va bénéficier de toutes leurs connaissances stratégiques, comment on fait une campagne, comment est-ce qu'on mobilise, comment on porte. Il va aussi bénéficier de toute la... Ils avaient une grosse faille scientifique, ils avaient même des chercheurs qui faisaient des vraies recherches. Donc il va bénéficier de tout ça, et il va réussir à porter cette cause. Et à un moment donné, il y a ces quelques agriculteurs qui tentent d'obtenir des réparations. C'est nouveau. Il y en a eu avant qui ont tenté, ou des ouvriers, mais ça a toujours échoué. Puis ils restaient entre eux. Il y avait une espèce d'organisation, mais qui était quasi clandestine, où on se donnait les noms. Alors, je vous rapporte aux travaux de Jean-Noël Jouzel, François Dedieu et Giovanni Prete, qui racontent tout ça. Et à un moment donné, Paul François et d'autres, il y avoir quelque chose qui va se mettre en place, et Génération Future va les aider. Quand on regarde le website qu'ils ont mis en place, je pense que c'était en 2009-2010, Génération Future, il y a agriculteurs, riverains, consommateurs, si vous estimez, mais ils mettent ça ensemble, ils vont faire les vidéos des agriculteurs contaminés, etc., qui s'engagent dans des... Donc ils vont les soutenir au départ dans leurs actions en justice. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Enfin, il y a une automatisation de phyto-victimes, et puis il y a des gros problèmes, notamment les riverains, par exemple, chez les pommes, parce qu'ils s'opposent aux agriculteurs localement. Et phyto-victimes tentent de tenir les deux en disant on ne peut pas... Mais c'est très difficile, parce que le milieu agricole est très réfractaire pour plein de raisons, hein, qui sont... Il y a des raisons économiques, il y a des raisons techniques, il y a des raisons de pression, il y a des raisons de... Enfin, ça dépend vraiment, on ne peut pas donner une raison pour tout le monde, c'est des raisons qui sont très compliquées. Et donc là, c'est en train de se... on sent qu'il y a des choses qui vont se faire. Mais c'est la seule... ce qui s'est passé en France, c'est pour moi, c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est que, alors d'abord, ça arrive en France, et puis c'est des exploitants qui sont en voie d'extinction qui ont porté ça. Enfin, en termes de catégorie sociale, c'est les exploitants qui portent ça, ce sont des exploitants qui sont en voie d'extinction, quoi. Parce qu'on est en train de passer à l'agriculture de firme dans 15 ans, probablement en France, et puis des choses qui vont survivre marginalement. Mais ces exploitants qui sont des exploitants familiaux avec des exploitants relativement grosses, c'est plutôt une espèce qui ont été très importants dans les années 80 avant, sont plutôt en voie d'extinction sociale, quoi. Il y a aussi des salariés et tout ça, mais... Et donc c'est quelque chose qui est assez étonnant, et dans la littérature, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, je n'en connais pas d'autres. Les autres exemples qui ont été décrits, c'est plutôt des choses qui n'ont pas fonctionné, et avec plutôt des conflits de cause d'ailleurs. Par contre, la problématique des riverains aux États-Unis, c'est une problématique qui peut être liée avec des gens qui sont des gens relativement aisés, etc., mais c'est souvent aussi des problématiques de gens pauvres qui vivent sur des très grandes zones agricoles, qui sont au milieu, qui y travaillent aussi. Donc il y a c'est plutôt des problématiques qui sont vraiment combinées. Quand on est dans la Central Valley en Californie, il y a des mobilisations de riverains, mais qui sont en fait aussi des mobilisations de gens qui travaillent et qui sont dans les catégories les sociales les plus basses. Hein. C'est des gens qui gagnent moins de 10 000 dollars par an, voire moins de 7 500 dollars. Aux États-Unis, c'est vraiment le bas, même quand ils sont en situation légale, c'est vraiment le bas. Mais il y a des formes d'organisation. Quoi.